Ouais, j'ai trouvé ça. Putain, pourquoi il y a de la latence maintenant? En même temps. Ben c'est dur d'enregistrer. Carré là, j'essaie d'enregistrer. We'll be right back. fire's in the fire. Ouh là là, fausse note. Hey. Thank you. Ah, ça va bien ensemble. Mr. Phil, guitar player. Allez, Philou. Thank you. non parla portoghese.